journée de la formation professionnelle. Lucas Lathion, 19 ans, apprenti informaticien en 4e année chez Tupperware, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Lucas. Bonjour Didier. Tu es donc apprenti informaticien. Pourquoi ce choix ? En fait, j'ai choisi l'informatique parce que c'est un métier qui me passionne. J'ai toujours été intrigué par le fonctionnement d'une application, des jeux sur PC, de comment fonctionne Internet, comment ça se fait que quand on tape google.ch et qu'on fait une recherche, on obtient des résultats, etc. Et es-tu satisfait de ton choix ? Oui, je suis entièrement satisfait de mon choix. Maintenant, en 4e année, j'ai bientôt terminé. Et j'espère réussir mon CFC, en plus ma maturité professionnelle. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement alors dans ce métier ? Ce qui me plaît le plus en tant qu'informaticien, c'est la partie pratique. C'est-à-dire on va tester des équipements, on va comprendre le fonctionnement des équipements et on va pouvoir créer par nous-mêmes des applications, que ce soit des pages web, des applications pour mobile, Android, iOS et également pour PC bien évidemment. Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent moins, que tu n'aimes pas peut-être dans cette activité ? Ce que j'aime moins en tant qu'informaticien, c'est de faire de la documentation, comme dans tout métier technique. Ce qu'on fait... De l'administratif, alors c'est ça. Voilà, exactement, l'administratif. Mais après, donc la documentation, c'est très important et il faut le faire malgré que c'est pénible à faire. Et pourquoi avoir choisi finalement un apprentissage alors que tu aurais pu opter pour le gymnase ? Alors, j'étais en 9e année d'école obligatoire où un planning de cours nous est imposé. Et du coup, à ce moment-là, en 3e du CO, on a la possibilité de choisir différentes voies professionnelles. Et moi, j'avais plus l'envie de continuer des cours théoriques. Et je suis donc parti sur quelque chose de pratique, c'est-à-dire un apprentissage. Et le métier d'informaticien m'a tapé, on va dire. Dans l'œil. Exactement. Et tu as choisi, tu l'as dit il y a quelques instants, l'option de la maturité professionnelle. Pourquoi ce choix, là aussi, sachant que tu fais à la fois l'apprentissage et la maturité professionnelle en même temps, en parallèle ? Oui, exactement. Je fais la maturité professionnelle en même temps. Ça, l'avantage, c'est que je gagne une année. Je n'aurai pas à la faire par la suite. Et la maturité professionnelle m'ouvre les portes pour les autres écoles spécialisées. Et est-ce qu'il a été difficile de trouver également une place d'apprentissage, en fait, pour ce métier d'informaticien ? Chez Tupperware, je me rappelle, on était en concurrence... avec au départ une cinquantaine de personnes. Ils ont éliminé une partie des candidats. Et au final, trois personnes ont été retenues. Dont toi. Dont moi. Et ils nous ont fait faire un stage. Et ensuite, j'ai pu être pris. Donc après avoir fait ce stage et présenté mes capacités et mes envies pour le métier. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes des CO qui songeraient, pourquoi pas, à faire informaticien, informaticienne ? Alors, pour les personnes du CO, je conseillerais déjà de se prendre à l'avance, c'est-à-dire en 3e du CO, il faut déjà regarder les métiers qui peuvent vous intéresser, si vous êtes intéressé par l'informatique, chercher les moyens qui vous permettent d'obtenir un apprentissage. Donc il y a l'école des métiers ou des entreprises qui recherchent des apprentis. Préparer un bon CV, une belle lettre de motivation, ajouter les stages que vous auriez pu faire en entreprise ou l'expérience que vous avez déjà en tant qu'étudiant. Et comment est-ce que tu imagines ton avenir professionnel après le CFC ? Donc, je pensais travailler quelques années chez Tupperware pour ensuite reprendre les études à plein temps et passer en tant qu'ingénieur en informatique ou en microtechnique. La microtechnique, c'est un domaine qui m'intéresse moi particulièrement. C'est un mix entre l'électronique, l'informatique et la mécanique. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup, Lucas. Lucas Lathion, 19 ans, apprenti informaticien, 4e année chez Tupperware. Bonne suite. Merci Didier.